Beckett, ou l'honneur de Dieu, est une des réussites les plus complètes de Jean Anouilh. Double réussite, la pièce elle-même et son succès auprès du public. En octobre 1959, d'abord, lorsqu'elle fut créée au théâtre Montparnasse Gaston Batty, et depuis sa reprise en septembre dernier à la Comédie-Française. Les succès ne se comptent plus dans la carrière de Jean Anouilh. Chacune de ses pièces est attendue comme un événement et généralement adoptée par les spectateurs. Les échecs sont rares. L'auteur a même à son actif certaines performances peu communes. Pauvre Bitos, par exemple, la pièce avait dressé contre elle la critique quasi unanime et le public non seulement n'a pas suivi, mais il en fit un triomphe. La carrière de Jean Anouilh est d'autre part d'une remarquable constance. Son art est sans cesse en évolution et nous offre une gamme d'une étonnante richesse. Elle va de la fantaisie souriante à la satire pessimiste, de l'humour rose à l'humour noir. C'est, je crois, la permanence de cette évolution, la régularité de cette marche sans notables accidents qui nous empêche de bien nous rendre compte de la place non seulement importante mais très large que tient l'œuvre de Jean Anouilh dans le théâtre contemporain. Beckett est une pièce qui fait penser à Shakespeare, à cause d'un certain dosage de drame et de farce, mais surtout à cause des sommets tragiques qu'elle atteint. Tragique, il vaudrait mieux dire pathétique, car il y a toujours en contrepoint cette sensibilité écorchée, cette tendresse amère, qui ne peuvent laisser notre affectivité indifférente. Thomas Beckett, ou plutôt Saint Thomas Beckett, puisqu'il a été canonisé, est né à Londres en 1117. Il fut bien chancelier d'Angleterre, puis archevêque de Canterbury. Il défendit bien le clergé contre le roi. Il mourut bien, assassiné, en 1170 par 4 barons à l'instigation de Henri II. Mais quel fut le vrai Thomas Beckett? Celui de Meurtre dans la cathédrale, de Thomas Eliot, ou celui de L'honneur de Dieu, de Jean Anouilh? Voici ce que ce dernier a écrit dans la revue qu'édite la Comédie-Française. Le drame de ces deux hommes qui étaient si proches, qui s'aimaient, et qu'une grande chose absurde pour l'un d'eux, celui qui aimait le plus, allait séparer, m'a donné la pièce. Que les Anglais me pardonnent cela, je n'ai jamais été chercher dans les livres qui était vraiment Henri II, ni même Beckett. J'ai fait le roi dont j'avais besoin, et le Beckett ambigu dont j'avais besoin. En fait, le Beckett de Jean Anouilh est le drame de la rupture d'une amitié trop exclusive, le drame du désarroi de l'un des deux amis, celui pour qui rien n'existe de profond et de solide hors de cette amitié exigeante, quand il voit l'autre, qui malgré son dévergondage et son cynisme était comme en attente de sa raison d'être, s'éloigner de lui lorsqu'il rencontre sa destinée au service de l'honneur de Dieu. Beckett est une pièce très longue, mais elle est parcourue par une sève si vive et chargée d'un suc si riche que le spectateur ne s'aperçoit pas de sa durée. Ce sont Jean Anouilh lui-même et Roland Pietri qui ont mis en scène la pièce, et là encore, c'est une réussite. L'auteur avait, on en saurait douter, vu sa pièce en l'écrivant. L'animation colle au texte, rien n'y est inutile, pas de mouvement superflu, pas d'image gratuite, et pourtant que de belles images, inscrites dans les décors de Jean-Denis Malclès. Ces décors ont grande allure dans leur sobriété, et les costumes, dans une large gamme de coloris, donnent parfois aux images la qualité des enluminures des époques médiévales. Le thème de Beckett ou l'honneur de Dieu étant essentiellement le conflit sentimental qui dresse deux personnalités différentes l'une contre l'autre, il est évident que tout gravite autour d'Henri II et de Beckett, qu'ils occupent le centre de l'action et de l'intérêt, et se trouvent sans cesse projetés au premier plan. Ils ont sur la scène du théâtre français le relief exact qui convient à l'un et à l'autre, relief plus puissant, plus coloré du Henri II de Robert Hirsch, relief plus souple, plus nuancé du Beckett de Georges Descrières. Henri II, violent mais inquiet, brutal mais instable, avec des réactions d'enfant gâté, un impulsif, un tourmenté. Beckett, moralement plus solide, il le prouvera d'ailleurs sa vocation trouvée, plus subtil, plus intelligent, plus secret, d'une sensibilité mieux contrôlée. Les physiques des deux comédiens, d'ailleurs, soulignent parfaitement la composition qu'ils ont faite des deux personnages. La sveltesse et l'élégance innée de Descrières et le côté un peu bulldog avec sa puissance et ses réactions animales de Robert Hirsch. Ce qu'il y a de remarquable également, c'est l'homogénéité et la haute qualité du reste de l'interprétation. Les acteurs sont trop nombreux pour qu'on puisse les passer en revue, mais tous, comédiens et comédiennes, ont dessiné leurs personnages d'un trait net et précis. Tous ont su leur donner couleur et relief. Il n'y a pas une faiblesse, pas une scorie dans l'alliage. La pièce se déroule essentiellement dans un long retour en arrière, à l'intérieur d'une scène dans la cathédrale de Canterbury, où, après le meurtre de Thomas Becket, et pour que l'honneur soit lavé, Henri II, torse nu, à genoux sur la dalle sous laquelle repose le corps de l'archevêque, à l'endroit même où il a été tué, va être flagellé par les moines. Le roi invoque Thomas Becket qui apparaît en habits sacerdotaux dans l'ombre des piliers. Alors, Thomas Becket, tu es content? Je suis nu sur ta tombe et tes moines vont venir me battre. Quelle fin pour notre histoire! Toi, pourrissant dans ce tombeau, lardé des coups de dague de mes barons. Et moi, tout nu comme un imbécile dans les courants d'air. Attendant que ces brutes viennent me taper dessus. Tu ne crois pas qu'on aurait mieux fait de s'entendre? On ne pouvait pas s'entendre. Mais je te l'ai dit. Sauf l'honneur du royaume. C'est toi qui m'avais appris la formule, pourtant. Je t'ai répondu, sauf l'honneur de Dieu. C'était un dialogue de sourds. Il faisait froid dans cette pleine nuit de la Ferté-Bernard la dernière fois que nous nous sommes vus. C'est curieux. Il a toujours fait froid dans notre histoire. Sauf au début, quand nous étions amis. Nous avons eu quelques beaux soirs d'été tous les deux avec des filles. Tu l'aimais, Gwendoline, archevêque? Tu m'en as voulu le soir où je te l'ai prise en disant « C'est moi le roi ». C'est peut-être ça que tu ne m'as jamais pardonné. J'ai oublié. Mais on était pourtant comme deux frères, tous les deux. Ce soir-là, c'était un enfantillage, ce gros garçon qui criait « C'est moi le roi !» J'étais si jeune. Je ne pensais qu'à travers toi. Tu le sais bien. Prie, Henri, au lieu de bavarder. Tu penses comme j'ai envie de prier. Je les regarde entre mes doigts qui me guettent des allées latérales. Ah, tu avais beau dire. Quelle trogne ils ont, tes Saxons! Se livrer tout nu à ces brutes. Moi qui ai la peau tellement fragile. Même toi, tu aurais peur! Ah, et puis j'ai honte. Honte de cette mascarade. Seulement j'ai besoin d'eux. Il faut que je les rallie à ma cause, contre mon fils qui veut me croquer mon royaume tout vivant. Alors je viens faire ma paix avec leur saint. Crois-tu que c'est drôle? Toi, tu es devenu un saint. Et moi, le roi, voilà que j'ai besoin de cette grosse masse amorphe qui ne pouvait rien jusqu'ici que peser son énorme poids courbé sous les coups. Et qui peut tout maintenant? À quoi ça sert-il au fond les conquêtes? Voilà que c'est eux l'Angleterre aujourd'hui, quand même. À force d'être plus nombreux et de faire des petits comme des lapins pour compenser les massacres. Mais il faut toujours payer le prix. C'est toi aussi qui m'as appris ça, Thomas Becket, quand tu me conseillais encore. Tu m'as tout appris. Ah, ah, c'était le bon temps. Au petit matin. Enfin, notre petit matin à nous, vers midi. Car nous nous couchions toujours très tard, tous les deux. Tu entrais dans ma chambre, juste comme je sortais de l'étuve. Tu entrais, reposé, souriant, léger. Aussi frais que si nous n'avions pas passé toute la nuit à boire et à forniquer de compagnie. Pour ça aussi, tu étais plus fort que moi. Nous retournons dans le passé. La chambre du roi, le roi qu'un page suit, entre Beckett. Mes respects, monseigneur. Oh, Thomas, je pensais que tu dormais encore. Non, je t'ai fait un petit temps de galop jusqu'à Richmond, monseigneur. Il fait un froid divin. Oh, dire que tu aimes le froid, toi. Bah, frotte ton plus fort, animal. Bon, allez, ça va, même plus chauffer, Phil. Tu m'habilleras tout à l'heure. Mon prince, c'est moi qui vous habillerai. Il n'y a que toi qui me frotte bien. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi, Thomas? Mais tu es gentilhomme, pourquoi veux-tu être mon valet de chambre? Si je demandais ça à mes barons, ils me feraient une guerre civile. Ils y viendront avec le temps quand les rois auront rempli leur rôle. Je suis votre serviteur, mon prince, voilà tout. Que je vous aide à gouverner ou à vous réchauffer, pour moi c'est pareil, j'aime vous aider. Mon petit Saxon. Et au début, quand j'ai voulu te prendre près de moi, tu sais ce qu'ils m'ont dit tous? Que tu en profiterais pour me poignarder un jour. Vous l'avez cru, mon prince? Non. Non. J'ai eu un petit peu peur au début. Hein? Bah, tu sais que j'ai facilement peur. Mais tu avais l'air si bien élevé à côté de ces brutes. Comment t'es-tu arrangé pour parler français sans trace d'accent anglais? Mes parents avaient pu conserver leur bien en acceptant de collaborer, comme on dit, avec le roi, votre père. Ils m'ont envoyé tout jeune en France y prendre un bon accent français. En France, et pas en Normandie. Ah, ce fut leur seule coquetterie patriotique, ils détestaient l'accent normand. Seulement l'accent? Mon père était un homme très sévère. Je ne me serais jamais permis de son vivant de l'interroger sur ses sentiments profonds. Et sa mort n'a rien éclairci, naturellement. Il a su faire en collaborant une assez grosse fortune. Comme c'était d'autre part un homme de rigueur, j'imagine qu'il s'est arrangé pour la faire en accord avec sa conscience. Il y a là un petit tour de passe-passe que les hommes de rigueur réussissent assez bien en période troublée. Et toi? Moi, mon prince? Le tour de passe-passe, tu l'as réussi facilement? Le problème n'était pas le même. Moi, j'étais un homme léger, n'est-ce pas? En vérité, il ne s'est même pas posé. J'adore la chasse, et seuls les Normands et leurs protégés avaient le droit de chasser. J'adore le luxe, et le luxe était normand. J'adore la vie, et les Saxons n'avaient droit qu'au massacre. J'ajoute que j'adore l'honneur. Et l'honneur, c'est concilié aussi avec la collaboration? J'ai eu le droit de tirer l'épée contre le premier gentilhomme normand qui a voulu toucher une de mes sœurs et de le tuer en combat singulier. C'est un détail, mais appréciable. Et tu as toujours pu l'égorger et fuir dans les bois, comme tant d'autres. Cela manquait de confort et d'efficacité, vrai. Ma sœur eût été immédiatement violée par un autre baron normand, comme toutes les filles saxonnes. Aujourd'hui, elle est respectée. Monseigneur, vous savez que ma nouvelle vaisselle d'or est arrivée de Florence? Mon roi me fera-t-il l'honneur de venir l'étraîner chez moi? De la vaisselle d'or? Mais quel fou tu fais? Je lance cette mode. Je suis ton roi et moi je mange de l'argent. Mon prince, vous avez de lourdes charges et je n'ai que celle de mon plaisir. Oh. L'ennui, c'est qu'il paraît que ça s'aille. Enfin, on verra. J'ai reçu aussi deux fourchettes. Deux fourchettes? Oui. C'est un nouveau petit instrument diabolique de forme et d'emploi. Ça sert à piquer la viande pour la porter à sa bouche, comme ça on ne se salit pas les doigts. Mais alors on salit la fourchette? Ah oui, mais ça se lave. Et les doigts aussi? Je ne vois pas l'intérêt, moi. Aucun intérêt pratique, en effet. Mais c'est raffiné, c'est subtil, ça ne fait pas du tout normand. Faudrait que tu m'en commandes une douzaine. Que je vois la tête de mes gros barons au premier banquet de la cour quand je leur présenterai ça. Faudra pas leur dire à quoi ça sert. On rira bien. Une douzaine? Mais comme vous allez, mon prince, c'est que ça coûte très cher, les fourchettes. Ils vont rien y comprendre. Ils s'en fichent de croire que c'est pour se battre. On va s'amuser comme des fous. Mon prince, il est temps d'aller au conseil. Le roi et Beckett entrent dans la salle du conseil, où les conseillers, l'archevêque et les évêques sont déjà présents. Messieurs, le conseil est ouvert. Je vous ai réunis aujourd'hui pour trancher sur ce refus du clergé de s'acquitter de la taxe d'absence. Il va tout de même falloir s'entendre pour savoir qui gouverne ce royaume. De l'Église ou de... Oui, bien tout à l'heure, archevêque. Ou de moi. Mais, avant de nous disputer, commençons par les bonnes nouvelles. J'ai décidé de rétablir le poste de chancelier d'Angleterre, gardien du sceau aux trois lions, et de le confier à mon féal, serviteur et sujet, Thomas Becket. Mon prince. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? Tu veux déjà aller pisser, Ah, il est vrai que nous avons tellement bu cette nuit tous les deux. Ah, ça, je suis bien content. Pour une fois, j'ai réussi à te surprendre, petit Saxon. Mon prince, c'est une marque de votre confiance dont j'ai peur de ne pas être digne. Je suis jeune, peut-être léger. Et moi aussi, je suis jeune. Et tu en sais plus long que nous tous. Il a étudié, vous savez. C'est incroyable tout ce qu'il connaît. Il vous donnerait le pion à tous, même à l'archevêque. Quant à sa légèreté, ne soyez pas dupes. Il boit sec. Il aime bien s'amuser. Mais c'est un garçon qui pense, tout le temps. Et quelquefois, ça me gêne de le sentir penser à côté de moi. Ouais, relève-toi, Thomas. Je ne faisais rien sans ton conseil. C'était secret. Maintenant, ce sera public. Voilà tout. Tiens! Voilà le sceau! Ne le perds pas. Sans sceau, il n'y a plus d'Angleterre. Nous serions tous obligés de retourner en Normandie. Maintenant, travaille! Je voudrais qu'il me soit permis, avec l'approbation de mon prince, de saluer ici mon jeune et savant archidiacre. Car j'ai été le premier, j'ai la faiblesse d'être fier de le rappeler, à l'avoir remarqué et élevé. La présence à ce conseil, avec le titre prépondérant de chancelier d'Angleterre d'un des nôtres, de notre fils spirituel en quelque sorte, est un gage pour l'Église de ce pays qu'une nouvelle ère d'entente et de compréhension réciproque s'ouvre devant nous, et que nous devons, dans un esprit de collaboration confiante... Oui, etc., etc., merci, archevêque. J'étais sûr que cette nomination vous ferait plaisir. Mais... ne comptez pas trop sur Becket pour faire vos affaires. Il est mon homme. Au fait, mon petit Saxon, j'avais oublié que tu étais diacre. Moi aussi, mon prince. Hé, dis-moi, je ne parle pas des filles, ces péchés véniels. Mais dans les quelques affaires où j'ai pu te voir, je trouve que tu as un rude coup d'épée pour un curé. Comment accordes-tu ça avec le commandement de l'Église qui défend aux prêtres de verser le sang ? Notre jeune ami n'est que diacre et n'a point encore prononcé tous ses vœux, Altesse. L'Église, dans sa sagesse, sait qu'il faut que jeunesse se passe et que, sous le prétexte sacré d'une guerre, ou d'une guerre sainte, j'entends, bah, il est permis aux jeunes gens... Oui, bah toutes les guerres sont saintes, évêque. Je vous défie de me trouver un belligérant sérieux qui n'est pas le ciel avec lui. Oui, ouais, théoriquement. Revenons plutôt à nos moutons. Pastor curare gregem debet, mon fils. C'est ce que je voulais dire. Seulement, je n'aime pas beaucoup les moutons qui ne veulent pas se laisser tondre. Mon père, nos coutumes veulent qu'une taxe en argent soit due par tout possesseur d'une terre suffisante à l'entretien d'un homme d'armes qui, dans les délais prescrits par les appels, ne se présente pas à la revue, tout armé et l'écu au bras. Distingo, Altesse. Mais on va distinguer tout ce que vous voulez. Pour moi, ma décision est prise. Je tends mon escarcelle et j'attends. Je crève de faim, Thomas. Pas toi ? Dis qu'on nous fasse apporter quelque chose. Un laïc qui se dérobe à son devoir d'État, qui est d'assister son prince par les armes, doit la taxe. Nul ne le contestera. Surtout pas le clergé. Mais le devoir d'État d'un clerc est d'assister son prince dans ses prières, dans ses œuvres d'éducation et de charité. Il ne pourrait donc être assujetti à une taxe semblable que s'il se dérobait à ces devoirs-là. Avons-nous refusé de prier ? Messieurs ! Oh ! Non mais, vous pensez sérieusement que je m'en vais me laisser filouter de plus des deux tiers de ma taxe avec des argus si pareils ? Hé ! Hey, au temps de la conquête ! Quand il s'agissait de s'enrichir, ils l'ont troussé leur soutane, je vous le jure, nos abbés normands. Et gaillardement, l'épée au poing, les fesses sur la selle, des potrons minés. Allons-y, mon prince, boutons tout ça dehors. Dieu le veut. Dieu le veut. Il fallait les retenir, oui. quand on avait besoin d'une petite messe, le cas échéant, ils n'avaient jamais le temps. Ils ne savaient plus où ils avaient laissé leurs habits sacerdotaux. Les églises n'étaient pas en état. Tout leur était bon pour remettre. De peur de se laisser rafler un morceau de gâteau pendant ce temps-là. Ces temps héroïques ne sont plus, la paix est faite. Alors payez ! Moi, je ne sors pas de là. Hé, hey, un peu à toi, chancelier. On dirait que ça te remuait, les honneurs. M'est-il permis de faire remarquer respectueusement quelque chose à Monseigneur l'archevêque ? Respectueusement, mais fermement, tu es chancelier maintenant. L'Angleterre est un navire. Tiens, c'est joli, ça. On s'en servira. Dans les périls de la navigation, l'instinct de conservation des hommes leur a fait depuis toujours reconnaître qu'il fallait un seul maître à bord. Les équipages révoltés qui ont noyé leur capitaine finissent toujours, après quelques temps d'anarchie, par se confier corps et âme à l'un des leurs, qui se met à régner sur eux, plus durement parfois que leur capitaine noyé. Seigneur chancelier, mon jeune ami, il y a effectivement une formule. Le capitaine est seul maître à bord après Dieu. Après Dieu ! Personne ne songe à mettre l'autorité de Dieu en cause, archevêque. Dieu guide le navire en inspirant les décisions du capitaine, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il donnait directement ses consignes à l'homme de bar. Notre jeune chancelier n'est que diacre, mais il est d'église. Les quelques années qu'il vient de passer dans le monde et le bruit ne peuvent lui avoir fait déjà oublier que c'est à travers son église militante, et plus particulièrement par l'intermédiaire de notre Saint-Père le Pape et des évêques, ses représentants qualifiés, que Dieu dicte ses décisions aux hommes. Il y a un aumônier sur chaque navire, mais on ne lui demande pas de fixer la ration de vivres de l'équipage, ni de faire le point. Mon révérend seigneur, l'évêque de Londres, qui est le petit-fils d'un marinier, m'a-t-on dit, ne peut lui non plus avoir oublié cela. Je ne permettrai pas que des allusions personnelles viennent compromettre la dignité d'un débat de cette importance. L'intégrité et l'honneur de l'Église d'Angleterre sont en jeu. Pas de grands mots, évêque. Vous savez comme moi qu'il s'agit tout bonnement de son argent. J'ai besoin d'argent pour ma guerre. L'Église veut-elle m'en donner ou non ? L'Église d'Angleterre a toujours admis que son devoir était d'assister son prince au maximum de sa force dans ses besoins. Voilà une bonne parole. Mais je n'aime pas le passé, archevêque. C'est un temps qui a quelque chose de nostalgique. J'aime le présent et le futur. Paierez-vous ! Altesse, je suis ici pour défendre les privilèges que votre illustre aïeul Guillaume a concédés à l'Église d'Angleterre. Auriez-vous le cœur de toucher à l'œuvre de votre aïeul ? Mais qu'il repose en paix, son œuvre est inviolable ! Mais là où il est, il n'a plus besoin d'argent. Et moi qui suis encore sur cette terre, malheureusement, j'en ai besoin. Altesse, c'est une question de principe ! Je lève des troupes, évêque ! Je me suis fait envoyer 1500 lansquenets allemands et 3000 fantassins suisses pour combattre le roi de France ! Et personne n'a jamais réglé les Suisses avec des principes. Je pense, Altesse, qu'il est inutile de poursuivre un dialogue où aucun des deux interlocuteurs n'écoute l'autre. La loi et la coutume nous donnent des moyens de coercition. Nous en userons. Tu oserais, toi qui es la tirée du néant de ta race, plonger le fer dans le sein de ta mère l'Église ? Mon seigneur et roi m'a donné son sceau, trois lions à garder, ma mère et maintenant l'Angleterre. Diacre, un pauvre diacre nourri dans notre sein. Traître, petit serpent, débauché, sycophante, saxon. Mon petit ami, je vous invite à respecter mon chancelier, ou sinon j'appelle mes gardes. Allez, voilà d'ailleurs. Ah non, c'est mon encas. Excusez-moi, messieurs, mais vers midi, j'ai besoin de prendre ou je me sens faiblir. Et un roi n'a pas le droit de faiblir. Vous ne l'ignorez pas. Servez-moi ça dans mon oratoire. Comme ça, je pourrai prier tout de suite après. Eh bien, on va avec toi, mon fils. Il faut en appeler à Rome. Se raidit. Seigneur archevêque, vous êtes primat d'Angleterre, votre personne est inviolable et vos décisions pour tout ce qui touche à l'Église font loi dans ce pays. Contre une telle rébellion, vous avez une arme, l'excommunication. Nous ne devons en user qu'avec beaucoup de prudence, révérend évêque. L'Église, au cours des siècles, a toujours triomphé, mais elle a triomphé prudemment. Patientons, les fureurs du roi sont terribles, mais elles ne durent point. Ce sont des feux de paille. Le petit ambitieux qui l'a près de lui, maintenant, se chargera de les attiser. Et je pense, comme le révérend évêque York, que seule l'excommunication de ce petit débauché peut le réduire à l'impuissance. Messeigneurs, le roi a décidé de suspendre son conseil. Il pense qu'une nuit de méditation inspirera à vos seigneuries une solution sage et équitable qu'il vous autorise à venir lui soumettre demain. C'est tout simplement l'heure de la chasse. Oui, d'ailleurs, seigneur évêque, elle ne vaut rien cacher. Croyez que je suis personnellement navré de ce différend et de la forme brutale qu'il a prise. Je ne reviens pourtant pas sur ce que j'ai dit en tant que chancelier d'Angleterre. Nous sommes tous tenus envers le roi, la exéclaire, par le même serment féodal que nous lui avons prêté en tant que notre seigneur et suzerain. Le serment de lui conserver sa vie, ses membres, sa dignité et son honneur. Je pense qu'aucun d'entre vous n'en a oublié la formule. Nous ne l'avons pas oublié, mon fils. Pas plus que l'autre serment que nous avons prêté avant à Dieu. Vous êtes jeune, peut-être encore incertain. Vous venez pourtant de prendre en peu de mots une résolution dont le sens ne m'a pas échappé. Permettez à un vieil homme qui est très près de la mort et qui, dans ses débats un peu sordides, défendait peut-être davantage que ce que vous avez cru lui voir défendre, de vous souhaiter, comme un père, de ne pas connaître un jour l'amertume de penser que vous vous êtes trompé. Je vous bénis, mon fils. Un fils bien indigne, mon père. Mais qu'en est-on digne ? Et digne de quoi ? Ces insultes à votre seigneurie sont inadmissibles. L'insolence de ce petit roué doit être brisée. Je l'ai eu longtemps près de moi. C'est une âme étrange, insaisissable. Ne croyez pas qu'il soit le simple débauché que les apparences feraient croire. J'ai pu l'observer souvent, dans le plaisir et dans le bruit. Il y reste comme absent. Il se cherche. Brisez-le, mon père, avant qu'il ne se trouve, ou le clergé de ce pays le paiera cher. Nous devons être très circonspects. Notre rôle est de sonder les cœurs. Et je ne suis pas sûr que celui-ci soit toujours notre ennemi. Alors, mon fils, ils sont partis ? Tu viens à la chasse ? Un coin de forêt avec une cabane. Beckett et le roi entrent à cheval. C'est le déluge! Ça t'amuse, toi, de chasser au faucon? Je n'aime pas beaucoup faire mes commissions par les autres. J'aime mieux sentir un sanglier au bout de mon épieu. Curieux ce goût du danger. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir risquer votre peau coûte que coûte, sous les prétextes les plus futiles? Du calme, mon joli! Oh. On l'ôtera tout à l'heure, ton capuchon. Et sous les arbres, tu ne ferais rien de bon. En tout cas, il y en a qui adorent ça, la chasse aux faucons. Ce sont les faucons. J'ai l'impression que nous tannons le derrière depuis 3 heures à cheval pour leur procurer ce plaisir royal. Monseigneur, ce sont des faucons normands. Ils sont de la bonne race. Ils y ont droit. Tu m'aimes, Beckett ? Je suis votre serviteur, mon prince. Tu m'as aimé quand je t'ai fait chancelier ? Je me demande parfois si tu es capable d'amour. Aimes-tu Gwendoline ? Elle est ma maîtresse, mon prince. Ah, pourquoi mets-tu toujours des étiquettes, surtout pour justifier tes sentiments ? Parce que sans étiquette, le monde n'aurait plus de forme, mon prince. Ah, c'est important que le monde ait une forme. Capital, mon prince. Ou sinon, on ne sait plus ce qu'on y fait. Oh. La pluie redouble, monseigneur. Allons nous réfugier dans cette cabane, là-bas. Il n'en a sans doute plus. En pleine forêt. Ils n'ont droit qu'à deux mesures de bois mort. Une branche de plus, on les pend. Tiens. Et d'un autre côté, on trouve qu'il y a trop de bois mort dans les forêts. Enfin, ce problème regarde les intendants. Allez, file ramasser tout ce que tu pourras porter. Fais-nous un feu d'enfer. Pour une fois, tu ne seras pas pendu. Chien. Va, mon fils. C'est ton prince qui l'ordonne. Tu as le droit. Pourquoi appelles-tu ce vieillard ton fils ? Mon prince, vous l'appelez bien chien. C'est une expression. On a toujours appelé les Saxons chiens. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On a aussi bien pu les appeler Saxons. Ton fils, cette vieille puanteur ! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien bouffer pour que ça sente si mauvais ? De la crotte ? Des raves. Qu'est-ce que c'est que ça, des raves ? Des racines. Ils mangent des racines ? Ceux des forêts ne peuvent pas cultiver autre chose. Ben pourquoi ne vont-ils pas en pleine ? Ils seraient pendus s'ils quittaient leur district. Ah bon ? Oh. Oh, Marc, ça doit simplifier la vie de savoir qu'on est pendu à la moindre initiative. On doit se poser beaucoup moins de questions. Ce sont des gens qui ne savent pas leur bonheur. Et tu m'as toujours pas dit pourquoi tu appelais ce gaillard ton fils. Mon prince, il est si dénudé et si pauvre et je suis si fort par comparaison, il est véritablement mon fils. On irait loin avec ta théorie. D'ailleurs, mon prince, vous êtes sensiblement plus jeune que moi. Il vous arrive aussi de m'appeler votre fils. Bah, ça n'a aucun rapport. Parce que je t'aime. Vous êtes notre roi. Nous sommes tous vos fils entre vos mains. Même les Saxons ? L'Angleterre sera faite, mon prince, le jour où les Saxons seront aussi vos fils. Oui, allez, t'es ennuyeux aujourd'hui. J'ai l'impression d'écouter l'archevêque. Je crève de soif. Tiens, fouille donc un peu pour voir s'il n'y a rien à boire. Chez ton fils. Le roi, en cherchant, découvre une jeune fille cachée derrière un buisson. Hé ! Thomas ! Thomas ! Vous avez trouvé quelque chose à boire, mon prince ? Non, à manger ! Et qu'est-ce que tu dis de ça, une fois nettoyée ? Elle est jolie. Et elle pue un peu, mais on la laverait ! Hé, regarde-moi ça, c'est tout menu. Qu'est-ce que ça peut avoir à ton idée, 15 ans, 16 ans ? Ça parle, monseigneur. Quel âge as-tu ? Tu vois bien que ça ne parle pas. Quel âge a ta fille, chien ? Il est muet aussi, ton fils. Tu l'as eu avec une sourde, hein ? Ah, c'est curieux d'ailleurs le nombre de muets que je peux rencontrer dès que je sors de mon palais. Je règne sur un peuple de muets. Tu peux me dire pourquoi ? Ils ont peur, mon prince. J'entends. Et c'est une bonne chose. Il faut que les peuples aient peur. À la minute où ils cessent d'avoir peur, ils n'ont qu'une idée. C'est faire peur à leur tour. Et ils adorent ça, faire peur. Autant que nous. Quand ils en ont la possibilité, je te jure qu'ils se rattrapent. Tes fils. Tu n'as jamais vu Jackie ? Moi, j'en ai vu une, petite, du temps de mon père. Pas beau à voir. Regarde-moi ça. C'est muet, c'est obtus, ça grouille, ça pue, il y en a partout. Ça sert à quoi, je te le demande ? Ça gratte le sol, ça fait du pain. Bon, les Anglais en mangent si peu. À la cour de France, je ne dis pas, ils s'embourrent. Il faut bien nourrir des troupes, car un roi sans troupes... C'est juste, tout se tient. Il doit y avoir un ordre raisonnable dans toutes ces absurdités. Décidément, tu es un petit Saxon philosophe. Ah, ça, je ne sais pas comment tu t'y prends. Mais tu finiras par me rendre intelligent. Hé, reste là. Ce qui est curieux, c'est que ce soit si vilain et que ça fasse de si jolies filles. Et comment expliques-tu ça, toi qui expliques tout? À 20 ans, avant d'avoir perdu ses dents et pris cet âge indéfinissable du peuple, celui-là a peut-être été beau. Il a peut-être eu une nuit d'amour, une minute où il a été roi, lui aussi, oubliant sa peur. Après, sa vie de pauvre a repris pareil, sa femme et lui ont dû même oublier. Mais la semence était jetée. Il y a une façon de raconter. Oh. Tu crois qu'elle deviendra laide comme les autres? Sûrement. Et si on la faisait putain? Et qu'on la garde au palais, elle resterait belle? Peut-être. Alors, c'est un service à lui rendre! Sans doute. Ah, mais c'est admirable. Ils comprennent tout, tu sais. Et qui c'est celui-là? Le frère. Comment le sais-tu? Mon instinct, mon prince. Qu'est-ce qu'ils ont à me dévisager comme ça? Comment ça m'embêter à la fin? J'ai demandé à boire, chien! Leur eau sera fade. J'ai une courte de Genève à la selle. Viens m'aider, toi, mon cheval est nerveux. Le frère tente de poignarder Beckett, qui lui arrache son couteau. Le frère se sauve. Tous mes fils. Fatigue ce Beckett à me donner l'habitude de penser. Ça va être mauvais pour la santé, ça. Alors, c'est long! C'est long! Ah voilà, monseigneur! Et voici surtout de Genève, car elle est trouble. Bois avec moi. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Ah, non, non, mon cheval est décidément un peu nerveux. Il a horreur qu'on touche la selle un coup de dent. C'est trop drôle. Ça, c'est vraiment trop drôle. Oh, monsieur monte mieux que personne. Monsieur ne trouve jamais des talons assez fougueux pour lui, hein? Monsieur le rend tous ridicules au manège avec ses acrobaties. Mais quand il veut aller prendre quelque chose dans ses fontes, il se fait mordre comme un page. Tu es tout pâle, petit Saxon. Pourquoi est-ce que je t'aime? C'est drôle. Ça ne me fait pas plaisir que tu aies mal, toi. Hey, montre ta main. C'est mauvais, une morsure de châle, je vais te mettre du genièvre. J'en ai mis, mon prince, ce n'est rien. Bah pourquoi es-tu si pâle alors, montre ? Non ! La blessure est laide, et vous savez que vous n'aimez pas voir le sang. Tout ça pour aller me chercher à boire. Blessé au service du roi. Hé, hey, on dira aux autres que tu m'as défendu contre une bête ! Et je ferai un beau cadeau ce soir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Cette fille, elle me plaît. Là, tu m'embêtes, elle me plaît aussi. Sur ce chapitre-là, je n'ai plus d'amis. Soit. Mais donnant, donnant. Tu te rappelleras? Oui, mon prince. Donnant, donnant. J'ai ta parole de gentilhomme. Oui, mon prince. Adjugé, elle est à toi. On l'emporte, on la fait prendre. J'enverrai deux soldats la prendre, ils nous ont rejoints. Lave ta fille, chien. Et tu lui sais poux. Elle ira au palais ce soir. Hé, hey, c'est pour monsieur qui est Saxon comme toi. Tu es content, j'espère. Donne-lui une pièce d'or. Je me sens bon, moi, ce matin. Personne ne viendra prendre ta fille. Cache-la mieux à l'avenir. Et dis à ton fils de rejoindre les autres dans la forêt. C'est plus sûr pour lui, maintenant. Tiens. Grève! Grève le premier! Bon! Il était beau, celui-là. C'est vrai qu'il va m'emmener au palais? Garce! Fille anormand! chez Becket, tandis qu'on entend les échos du banquet offert au roi et à ses barons, une jeune femme, Gwendoline, assise au pied d'un lit bas, joue de la viole. Mange encore? Oui. Ils ont une faculté d'absorption inimaginable. Comment monseigneur peut-il vivre toutes ses journées et une grande partie de ses nuits avec des êtres pareils? Avec deux savants clercs discutant du sexe des anges, ton seigneur s'ennuierait encore plus, mon petit Charles. Ils sont aussi loin de la vraie intelligence des choses que les brutes. Je ne comprends pas toujours tout ce que monseigneur me fait la grâce de me dire. Ce que je sais, c'est qu'il est toujours très tard quand il vient me retrouver. Je n'aime que te retrouver. La beauté est une des rares choses qui ne font pas douter de Dieu. Je suis la captive de guerre de monseigneur et je lui appartiens tout entière. Dieu l'a voulu ainsi puisqu'il a donné la victoire aux Normands sur mon peuple. Si les Gallois avaient vaincu, j'aurais épousé devant Dieu un homme de ma race au château de mon père. Dieu ne l'a pas voulu. Une morale comme une autre, mon petit chat. Mais comme j'appartiens moi aussi à une race vaincue, j'ai l'impression que Dieu s'embrouille un peu. Joue encore. Je mens. Tu es mon seigneur sans Dieu. Et si les Gallois avaient vaincu, tu aurais aussi bien pu me voler au château de mon père. Je t'aurais suivi. C'est mal ce que j'ai dit. Qu'a, monseigneur ? Rien. Je n'aime pas qu'on m'aime, je t'ai dit. Alors, mon fils ! Bah, tu nous abandonnes ! Oh ! Ça y est, tu sais. Ils ont compris. Ils se battent avec tes fourchettes. Ils ont fini par découvrir que c'était pour se crever les yeux. Ça leur paraît très ingénieux de forme. Mais va, mon fils. On te les casser. C'est toi qui jouais comme ça pendant qu'on mangeait? Oui, monseigneur. Oh. Décidément, tu as tous les talents. Relève-toi. Ça te fait peur, mon petit cœur? Bientôt, tout sera en ordre. Allez, assez baffré, mes petits pères. Venez donc écouter un peu de musique. La tripe satisfaite, il est bon de s'élever l'esprit. Allez, joue tout. Alors, dis-lui qu'elle nous chante quelque chose de triste. J'aime bien la musique un peu triste après dîner. Cela aide à digérer. On mange trop bien chez toi, Thomas. Où l'as-tu volé, ton cuisinier? Je l'ai acheté, mon prince. C'est un Français. Ah. Tu n'as pas peur qu'il t'empoisonne? Qu'est-ce que ça vaut, un cuisinier français? Un bon comme celui-là, presque le prix d'un cheval, mon seigneur. Oh, quelle honte! Mais il n'y a plus de mère! Il n'y a pas d'homme qui vaille un cheval. Si je te disais... Donnant, donnant. Tu te rappelles? Et que je te le demande, tu me le donnerais? Certainement, mon prince. Je ne te le demande pas. Je ne veux pas trop bien manger tous les jours. Cela abaisse l'homme. Passe pas ce chevreuil. Oh. Fallait donc jouer la complainte qu'on a faite sur ta mère, Beckett. C'est celle que je préfère. Non, je n'aime pas qu'on chante cette complainte-là, mon prince. Pourquoi? Tu as honte d'être le fils d'une sarrasine? Hmm? C'est ce qui fait la moitié de ton charme. Imbécile! Il y a bien une raison pour que tu sois plus civilisé que nous tous. Moi, je l'adore, cette chanson-là. Chante-toi. C'est un ordre, petit Saxon. Chante. Ah! Beau sire Gilbert s'en alla en guerre par un beau matin, délivrer le cœur de notre Seigneur chez les Sarrasins. La, la. Mon cœur pèse d'être sans amour. Là, là, que mon cœur pèse tout le long du jour. Tout le long du jour. Pendant la bataille d'Estoc et de Taille, mort pour Fendi, mépris par traîtrise de sa jument grise, le soir il tombit. Là, là, que mon cœur pèse d'être sans amour. Là, là, que mon cœur pèse tout le long du jour. Blessé à la tête, pris comme une bête, beau Gilbert s'enfuit au marché d'Alger, de chaînes chargées pour être vendu. Là, là, que mon cœur pèse d'être sans amour. Là, là, que mon cœur pèse tout le long du jour. Tout le long du jour. Belle sarrasine du pacha, la fille s'en est pris d'amour, lui jura sa flamme et d'être sa femme et l'aimer toujours. Là, là, que mon cœur pèse d'être sans amour. Là, là, que mon cœur pèse tout le long du jour. Moi, c'est une chanson qui me tire les larmes, mon fils. J'ai l'air d'un dur. Mais je suis un tendre. On ne s'y refait pas. Je me demande bien pourquoi tu n'aimes pas qu'on la chante, cette chanson-là. Hmm? Mais c'est merveilleux d'être un enfant de l'amour. Moi, quand je vois la tête de mes augustes pères et mères, je tremble en pensant à ce qui a dû se passer. C'est merveilleux que ta mère ait fait évader ton père et qu'elle soit allée le retrouver à Londres avec toi dans son ventre. Allez, chante-nous la fin, toi. J'adore la fin. Lors où cet évêque demanda un prêtre pour la baptiser et en fit sa femme, lui donnant son âme pour toujours l'aimer. Gai, gai, mon cœur est aise d'être plein d'amour. Gai, gai, mon cœur est aise d'être aimé toujours. Et il l'a toujours aimé? Pas arrangé dans la chanson? Non, mon prince. Ah, c'est drôle! C'est cette fin heureuse, moi, qui me rend triste. Tu y crois, toi, à l'amour? À celui de mon père pour ma mère? Oui, mon prince. Ils se sont endormis. Oh, les brutes. Oh, ah, mais c'est leur façon à eux de s'attendrir. Ah, tu vois, mon petit Saxon. Il y a des jours où j'ai l'impression qu'il n'y a que toi et moi de sensibles en Angleterre. Nous mangeons avec des fourchettes. Nous avons des sentiments infiniment distingués, tous les deux. Ah, tu auras fait de moi un autre homme, en quelque sorte. Ce qu'il faudrait me trouver maintenant, si tu m'aimais, c'est une fille qui m'aide à me dégrossir. J'en ai assez des putains. Donnant, donnant. Tu te rappelles? Je suis votre serviteur, mon prince. Et tout ce que j'ai est à vous. Mais vous avez bien voulu me dire que j'étais aussi votre ami. Justement, entre amis, ça se fait. Tu tiens à elle, alors? Tu peux tenir à quelque chose? Toi? Mais dis-le-moi si tu y tiens! Tu es incapable de mentir, je te connais. Non, parce que tu as peur du mensonge. Je crois bien que tu es le seul homme de ma connaissance qui n'a peur de rien, même pas du ciel. Mais cela te répugne. Cela te paraît inélégant. Tout ce qui semble être de la morale chez toi, c'est tout simplement de l'esthétique. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mon prince. Je ne triche pas en te la demandant. Je t'ai dit, donnant, donnant, et je t'ai demandé ta parole de gentilhomme. Et je vous l'ai donnée. Bon. Je rentre. J'ai envie de me coucher tôt ce soir. Oh, charmant de ta soirée, Beckett. Il n'y a décidément que toi en Angleterre pour savoir traiter royalement tes amis. Aide-moi à réveiller ces porcs et appelle mes gardes. Au revoir, oh, oh, oh. Allez, oh, oui, je sais, vous êtes des amateurs de bonne musique. Enfin, on ne peut pas écouter de la musique toute la nuit. Les bonnes nuits, ça se termine au lit. N'est-ce pas, Beckett? Je demande à mon prince la grâce d'un court instant. Bon, bon, je ne suis pas une brute. Je vous attends à ma litière, tous les deux. Tu me salueras en bas. Tu vas devoir le suivre, Gwendoline. Monseigneur m'avait promis à lui. J'avais donné ma parole de gentilhomme de lui donner ce qu'il me demanderait. Je ne pensais pas que ce serait toi. S'il me renvoie demain, Monseigneur me reprendra-t-il? Non. Dois-je demander aux filles de mettre mes robes dans le coffre? Il l'enverra prendre. Descends, on ne fait pas attendre le roi. Tu lui diras de ma part que je le salue. Laisse ma viole à Monseigneur. Il s'est déjà presque enjoué. Monseigneur n'aime rien au monde, n'est-ce pas? Non. Tu es d'une race vaincue, toi aussi. Mais à trop goûter le miel de la vie, tu as oublié qu'il restait quelque chose encore à ceux à qui on a tout pris. Oui, je l'ai sans doute oublié. L'honneur est une lacune chez moi. Va. Gwendoline sort. Un garde entre, traînant la fille de la forêt. Le roi les suit. Fils! Tu l'avais oublié! Oh! comme tu es toujours négligent. Oh, mais heureusement que moi, je pense à tout. Il paraît qu'il a fallu un petit peu tuer le père et le grand frère pour l'apprendre. Mais la voilà tout de même. Tu vois que je suis ton ami. Et que tu as tort de ne pas m'aimer. Tu m'avais dit qu'elle te plaisait, hein? Je n'ai pas oublié, moi. Bonne nuit, fils. Il faut que je me déshabille, monseigneur. Bien sûr. J'espère que tu as une belle âme. Et que tu trouves tout cela bien ignoble, toi. Le roi entre en courant, l'air sombre. Il n'a pas eu de plaisir, Thomas. Elle s'est laissée coucher comme une morte sur la litière. Puis soudain, elle a tiré un petit couteau. Je ne sais d'où. Il y avait du sang partout. C'était dégoûtant. Elle aurait aussi bien pu me tuer, moi! Allez, renvoie cette fille! Je vais coucher dans ta chambre ce soir. J'ai peur. Prends la moitié du lit. Non, je dormirai par terre. Non, viens contre moi. Je ne veux pas être seul ce soir. J'ai peur. Tu me détestes? Je ne vais même plus avoir confiance en toi. Vous m'avez donné votre sceau à garder, mon prince. Et les trois lions d'Angleterre qui sont gravés dessus me gardent. Moi aussi. Je ne saurai jamais ce que tu penses. L'aube va venir, mon prince. Il faut dormir. C'est demain que nous passons sur le continent. Dans 8 jours, nous serons devant l'armée du roi de France et nous aurons enfin des réponses simples à tout. Il me course. Ils sont armés. Arrête-les ! Mon prince, dormez en paix, je suis là. Tu es là, Thomas. Il me poursuivait. Mon prince. Si tu étais mon vrai prince, si tu étais de ma race, comme tout serait simple. De quelle tendresse je t'aurais entouré dans un monde en ordre. Mon prince. Chacun l'homme d'un homme, de bas en haut, lié par serment, et n'avoir plus rien d'autre à se demander. Jamais. Mais moi, je me suis introduit en trichant dans la file. Double bâtard. Dors tout de même, mon prince. Tant que Beckett sera obligé d'improviser son honneur, il te servira. Et si un jour il le rencontre... Mais où est l'honneur de Beckett ? En France, près de la tente fermée où Henri II dort, couché avec une fille. Autour d'un feu de camp, 4 barons anglais. Qui c'est, ce Beckett? C'est le chancelier d'Angleterre. J'entends, mais qui est-ce, au juste? Eh ben, le chancelier d'Angleterre. Le chancelier d'Angleterre, c'est le chancelier d'Angleterre. Je vois pas quelle question on peut se poser à ce sujet. Tu ne comprends pas. Une supposition que le chancelier d'Angleterre soit un autre homme, moi, par exemple. C'est une supposition idiote. C'est une supposition. Je serai aussi chancelier d'Angleterre, mais je ne serai pas le même chancelier d'Angleterre que Beckett. Bon, ça, tu comprends? Oui. Je peux donc me poser la question. Quelle question? De savoir qui c'est. Ce Beckett. Ben comment qui c'est ce Beckett? C'est le chancelier d'Angleterre! Oui! Mais je me pose la question de savoir, en tant qu'homme, ce qu'il est. Tu as mal quelque part? Pourquoi? Parce qu'un baron qui se pose des questions est un baron malade. Ton épée, qu'est-ce que c'est? Mon épée? Oui, c'est mon épée et celui qu'en doute... Non! Tu as répondu comme un gentilhomme. On n'est pas là pour se poser des questions, nous autres. On est là pour répondre. Justement, réponds-moi. Pas aux questions. Aux ordres. On ne te demande pas de penser dans l'armée. Quand tu es devant un gendarme français, tu te poses des questions? Non! Et lui? Non plus! Vous cognez tous les deux, c'est tout! Si vous vous mettiez à vous questionner comme des femmes, il n'y aurait plus qu'à apporter des chaises sur le champ de bataille. Les questions à poser, dis-toi bien qu'elles ont été posées avant et par des plus malins que toi. Et en haut lieu. Je voulais dire que je ne l'aimais pas. Tu n'avais qu'à dire ça. C'était ton droit. Ça, on aurait compris. Moi non plus, je l'aime pas. D'abord, c'est un Saxon. D'abord. Il y a une chose qu'on peut pas dire. C'est qu'il se bat pas bien. Hier, quand le roi était dans la presse... Son écuyer tué. Il s'est ouvert un passage à travers les Français. Il lui a pris son oriflamme et il a attiré tout le monde à lui. D'accord. Il se bat bien. Il se bat pas bien? Ah si! Mais c'est un Saxon. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Rognaud? J'attends. Et qu'est-ce que tu attends? Il se montre. Il y a des gibiers comme ça. Tu les suis tout le jour dans la forêt. Au bruit, à l'odeur, à la trace. Mais ça servirait à rien de te précipiter les pieux en avant. Tu raterais tout. Parce que tu sais pas au juste à quelle bête t'as affaire. Faut que t'attendes. Quoi ? Qu'elle se montre. Et la bête, si t'es patient, Elle finit toujours par se montrer. La bête, elle en sait plus long que l'homme, presque toujours. Mais l'homme, il a quelque chose pour lui que la bête n'a pas. Il sait attendre. Moi, pour le Beckett, j'attends. Quoi ? Qu'il se montre, qu'il débusque. Ce jour-là, on saura qui c'est. Hein ? Vous savez, messieurs, le roi dort encore ? Il n'a pas appelé. Le maréchal de camp est venu présenter l'état des pertes ? Non. Pourquoi ? Il en faisait partie. Des pertes. Ah. Il n'était pas loin de lui quand c'est arrivé. Un coup de lance l'a basculé. Une fois par terre, la Pietà, il s'en est chargé. Pauvre Beaumont. Il était si fier de son armure neuve. Bah, il faut croire qu'elle avait un petit trou. Ils l'ont saigné à terre. Cochon de français. C'est la guerre. La guerre est un sport comme un autre. Il y a des règles. Autrefois, on vous prenait à rançon. Un chevalier contre un chevalier. Ça, c'était se battre. Depuis qu'on a donné des coutelas à la Pietà, il la lançant contre les chevaux sans aucune protection personnelle, elle a un peu tendance à chercher le défaut de l'armure des chevaliers qui ont l'imprudence de tomber de cheval. C'est ignoble, mais je la comprends. Si on se met à comprendre la Pietà, ce sera plus des guerres. Ce sera des boucheries. Le monde va certainement vers des boucheries, baron. La leçon de cette bataille qui nous a coûté trop cher, c'est que nous devons former, nous aussi, des compagnies de coupe-jarret. Voilà tout. Et l'honneur du soldat, seigneur chancelier ? L'honneur du soldat, baron, c'est de vaincre. Ne soyons pas hypocrites. La noblesse normande s'est fort bien chargée de la prendre à ceux qu'elle a vaincus. Je réveille le roi. Notre entrée dans la ville est prévue pour 8 heures et le tédéum à la cathédrale à 9h moins le quart. Il serait impolitique de faire attendre l'évêque français. Il faut que ces gens-là collaborent de bon cœur avec nous. De mon temps, on égorgeait tout. Et on entrait après. Dans une ville morte. Je veux donner au roi des villes vivantes, qu'il enrichisse. Depuis ce matin, 8h, je suis le meilleur ami des Français. Et l'honneur anglais, alors ? L'honneur anglais, baron. En fin de compte, ça a toujours été de réussir. Oh, quelle mentalité, oh. Il faut l'attendre. Un jour, il débusquera. Bonjour, mon fils. Tu as bien dormi ? Petit souvenir français, l'épaule gauche m'en a empêché, mon prince. J'en ai profité pour réfléchir. Tu réfléchis trop. Ça finira par te jouer un mauvais tour. C'est parce qu'on pense qu'il y a des problèmes. Un jour, à force de penser, tu te trouveras devant un problème. Ta grosse tête te présentera une solution et tu te flanqueras dans une histoire impossible qu'il aurait été beaucoup plus simple d'ignorer. Comme le font la plupart des imbéciles qui, eux, vivent vieux. Qu'est-ce que tu en dis, ma petite Française ? J'adore la France, moi. Moi aussi, mon prince, comme tous les Anglais. Il fait chaud, les filles sont belles, le vin est bon. Je compte y passer quelques semaines, tous les hivers. Il n'y a qu'un ennui, c'est que ça coûte cher. Près de 2000 hommes morts de combat hier. Beaumont a fait ses comptes ? Oui, et il s'est ajouté à la liste. Blessé ? Ah. Je n'aime pas apprendre la mort des gens que je connais. J'ai l'impression que ça va lui donner des idées. Voyons-nous les affaires, mon prince. Nous n'avons pas dépouillé les dépêches hier. Et hier, on s'est battu, on peut pas tout faire. C'était vacances, il faut travailler double aujourd'hui. Travailler ? Au bien de mes peuples ? Ça t'amuse, toi ? Tu les aimes, ces gens-là ? D'abord, ils sont trop nombreux. On peut pas les aimer, on les connaît pas. Et puis tu mens ! Tu n'aimes rien ! J'aime au moins une chose, mon prince, et cela j'en suis sûr. bien faire ce que j'ai à faire. Toujours les têtes. Comment c'est ton mot, là, d'oublier ? L'esthétique. L'esthétique ! Toujours l'esthétique ! Eh oui, mon prince. Et ça, c'est pas de l'esthétique ! Il y a des gens qui s'extasient sur les cathédrales. Mais ça aussi, c'est réussi. Quelle rondeur. Hey, tu en as envie? Les affaires, mon prince. Bon. Allez, les affaires. Je t'écoute. Assieds-toi. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon prince. Les nouvelles ne sont jamais bonnes, c'est connu. Le secret, car il y en a un, c'est de ne leur accorder aucune importance. Elles finissent par se manger les unes les autres et tu te retrouves 10 ans plus tard ayant tout de même vécu. Mais les choses s'arrangent toujours. Oui, mais mal. Mon prince, quand vous jouez à la paume ou à la crosse, laissez-vous les choses s'arranger? Attendez-vous la balle dans votre raquette en vous disant « elle finira bien par venir » ? Je t'arrête, il s'agit là de choses sérieuses. Une partie de paume, c'est important, ça m'amuse. Et si je vous apprenais que gouverner, cela peut être aussi amusant qu'une partie de cricket. Allons-nous laisser la balle aux autres, mon prince. Ou allons-nous tâcher de marquer le point, tous les deux, comme deux bons joueurs anglais. Bah, le point, pardieu ! Le point ! Hé, on mal, je me crève, je tombe, je me désosse, je triche au besoin. Mais je n'abandonne jamais le point. Eh bien, voilà où est le score. Lorsque je fais la synthèse de toutes les informations que j'ai reçues de Londres depuis que nous sommes passés sur le continent, une chose me frappe. C'est qu'il y a dans votre royaume une puissance qui grandit jusqu'à concurrencer la vôtre, monseigneur. C'est celle de votre clergé. Ouais. Nous avons fini par obtenir qu'il paie la taxe. Oui, c'est un peu d'argent. C'est déjà quelque chose. Et ils savent qu'on calme toujours les princes avec un peu d'argent. Mais ces gens-là s'y entendent admirablement pour recevoir d'une main ce qu'ils ont dû lâcher de l'autre. C'est un petit tour d'escamoteur pour lequel ils ont des siècles d'expérience derrière eux. Écoute, ma petite caille. Instruis-toi. Le monsieur dit des choses profondes. Petite caille française. Et... Instruis-nous plutôt. Que préféreras-tu quand tu seras marié? Si tu te maries un jour, malgré les accros de ta vertu. Être la maîtresse chez toi, ou que le curé de ton village y vienne faire la loi? Soyons sérieux, Beckett. Les prêtres sont toujours intrigués, je le sais. Mais je sais aussi que je peux les briser, quand je veux. Soyons sérieux, Altesse. Si vous ne les brisez pas tout de suite, dans 5 ans, il y aura 2 rois en Angleterre. L'archevêque primat de Canterbury et vous. Et dans 10 ans, il n'y en aura plus qu'un. Et ce ne sera pas moi? Je le crains. Mais ce sera moi, Beckett. Chez les Plantagenets, on ne se laisse rien prendre. Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi? Tu espionnes pour le compte du clergé? Ah, allez, prends à côté, file, et habille-toi. Donne-lui une pièce d'or. Je dois revenir au camp ce soir, seigneur? Oui. Non, mais je ne sais pas, mais... On s'occupe de l'archevêque en ce moment. Pas de toi, allez, file. À cheval, Thomas. Pour la grandeur de l'Angleterre, avec mon gros poing et ta grosse tête, on va faire du bon travail, tous les deux. T'as une minute. On n'est jamais sûr d'en trouver une qui fasse aussi bien l'amour. Hé hey, reviens ce soir, mon ange. Je t'adore. Tu as les plus jolis yeux du monde. Et allez, faut toujours leur dire ça, même quand on les paye. Si on veut vraiment avoir du plaisir avec elles, ça aussi, c'est de la haute politique. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il y aura de tout ça? Et après tout, ce sont ces évêques. Nous ne sommes plus de petits garçons. On finit toujours par s'arranger avec Dieu sur la terre. Avec des petites politesses, on le calme très bien. Oh, quel canaille tu fais! Ah, oh, oh, je t'aime, mon Thomas! Avec un premier ministre ennuyeux, je n'aurais eu le courage de rien, moi. Allez, vite vous habiller, mon prince, sinon nous allons être en retard. Ouais, je suis prêt dans un instant. Je me fais raser. Il vaudrait mieux, après 2 jours de bataille. Pff, que de frais pour les Français vaincus! Je me demande parfois si tu ne raffines pas un peu trop, Thomas. que c'est? C'est un petit moine qu'on vient d'arrêter, monseigneur. Il rôdait autour du camp. Il avait un couteau sous sa robe. On l'amène au prévôt. Tu as le couteau? Tu es français? No, I am English. D'où? Hastings. Tiens. Laissez-le-moi, je vais l'interroger. C'est qu'il est turbulent, seigneur. Il se débattait, comme un vrai diable. Il a fallu se mettre à quatre pour lui prendre son couteau et lui lier les mains. Il a blessé le sergent! On l'aurait bien abattu tout de suite. Mais le sergent a fait remarquer qu'il y aurait peut-être encore des choses à lui faire dire. C'est pour ça qu'on l'amène au prévôt. C'est pour vous dire qu'il est mauvais! C'est bon. C'est bon, restez à distance. Tu faisais quoi dans ton couvent avec ça? I cut my bread. Parle donc français, tu le sais très bien. How do you know it? Je sais très bien le français et très bien le saxon. Quand un saxon sait les deux langues, je l'entends. Tout se déforme, mon petit. Même le saxon. Et au point où tu en es, il vaut autant pour toi qu'on te croit français que saxon. C'est moins mal vu. J'ai accepté de mourir. Après? Mais avant? T'avoues que c'est stupide. Alors, c'était pour qui, cet instrument de cuisine? Avec ça, tu ne pouvais espérer tuer qu'une fois. Tu n'as pas fait le voyage pour un simple soldat normand, j'imagine. Oh, petit bonhomme, ils vont te passer à la question. Tu n'as jamais vu ça? Moi, il m'est arrivé professionnellement d'être tenu d'y assister. On croit qu'on a de la force d'âme, mais ils sont terriblement ingénieux et ils ont une science de l'anatomie que nos ânes de médecins devraient bien leur emprunter. Alors, croisant mon expérience, on parle toujours. Si je me porte garant que tu as tout avoué, ça sera plus court pour toi. Enfin, c'est appréciable. Puis, il y a un détail amusant dans ton histoire. Tu dépends directement de ma juridiction. Le roi m'a donné les titres et les bénéfices de toutes les abbayes de Hastings en me faisant chancelier. Vous êtes Beckett. Oui. Et ouais, tu coupais pas seulement ton pain. Il pue l'oignon, ton couteau. Comme un couteau de vrai petit saxon. Ils sont bons, hein, les oignons de Hastings. Tu ne m'as toujours pas dit pour qui. Si c'était pour moi, avoue que le moment est rudement bien choisi. À ce détail près que c'est moi qui tiens le couteau. Si c'était pour le roi, ça n'avait aucun sens. Il a trois fils. Les rois, ça repousse. Alors, tu croyais délivrer ta race à toi tout seul? Non. Me délivrer. Moi. De quoi? De ma honte. Quel âge as-tu? 16 ans. Il y a 100 ans que les Normands occupent l'île. Elle est vieille, la honte. Ton père et ton grand-père l'ont bu. La coupe est vide, maintenant. Non! Alors, un beau matin, à 16 ans, tu t'es réveillé dans ta cellule, à la cloche du premier office, dans la nuit. Et c'est les cloches qui t'ont dit de reprendre toute la honte à ton compte. Qui vous a dit ça? Je t'ai dit que j'étais polyglotte. Tu sais que je suis saxon, comme toi? Oui. Alors crache, tu en as envie. T'as fait du bien, n'est-ce pas? Le roi m'attend et notre conversation serait trop longue. Mais je tiens à te garder en vie pour l'avoir avec moi un de ces jours. C'est du pur égoïsme, tu sais. Ta vie n'a évidemment aucune espèce d'importance pour moi. Mais il est très rare que le destin vous amène votre propre fantôme jeune. Soldat, va me chercher le prévôt tout de suite. Un matin charmant, n'est-ce pas? Ce soleil déjà chaud sous cette très légère brume. C'est très beau, la France. Mais je suis comme toi, je préfère le solide brouillard de la lande de Hastings. C'est du luxe, le soleil. Et nous sommes d'une race qui méprisait le luxe, tous les deux. Monsieur le prévôt, vos hommes ont arrêté ce moine qui rôdait autour du camp. C'est un convert du couvent de Hastings et il dépend directement de ma juridiction. Vous allez prendre vos dispositions pour le faire repasser en Angleterre et l'emmener au couvent où son abbé devra le garder à vue jusqu'à mon retour. Aucune charge particulière contre lui pour l'instant. J'entends qu'il soit traité sans brutalité, mais étroitement surveillé. Vous m'en répondez. Bien, monseigneur. C'est touchant. Mais cela pue tout de même. Eh bien, mon prince, vous vous êtes fait bon ? Dépêchez-vous, sinon nous allons faire attendre les fêtes. L'ambiance est joyeuse dans la rue. Dans l'église, Becket, le roi et ses fidèles barons. Un peu à l'écart, un prêtre français et un enfant de cœur prêt à officier. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais où est Becket ? Il a seulement dit d'attendre, monseigneur, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait au point. Oh, que de cérémonie pour un évêque français ! Et de quoi ai-je l'air, moi, à faire le pied de grue dans cette sacristie comme un jeune marié ? Oh, c'est bien mon avis, monseigneur. Je comprends pas qu'on n'entre pas. Après tout, elle est à vous, cette cathédrale, maintenant. On y fonce tout de même l'épée au point, monseigneur. Non ! Becket ne serait pas content. Bon, alors, c'est tout de même plus long que tout sur ce qu'on vient de faire. S'il nous dit d'attendre, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors, Becket, on gèle ici. Qu'est-ce qu'ils ont, ces Français, à nous faire moisir dans leur sacristie? C'est moi qui en ai donné l'ordre, mon prince. Une mesure de sécurité. Les hommes de ma police ont la certitude qu'un soulèvement français devait éclater pendant la cérémonie. Julien, rentrez vos armes, messieurs. Ici, le roi ne risque rien. J'ai fait garder toutes les issues. Vous permettez-vous d'aller nettoyer tout ça, mon prince? Avec nous, ça ne traînera pas. On entre dedans. Je vous l'interdis, nous ne sommes pas en nombre. Je fais entrer de nouvelles troupes dans la ville et évacuer la cathédrale. Jusqu'à ce que tout soit fini, je vous remets la personne du roi. Mais rentrez vos armes, pas de provocation, s'il vous plaît. Je suis à la merci de l'incident, il n'y a encore que les 50 hommes d'escorte dans la ville. Ce prêtre est français. Oui, mais il fait partie de l'entourage immédiat de l'évêque et l'évêque nous est acquis. Tu sais comme nous pouvons compter sur les évêques anglais, je te laisse à penser d'un évêque français. Cet homme a un regard qui ne paraît pas franc. L'évêque ? Non ! Ce prêtre. Je pense bien, mon prince. Il louche. Je vous assure que c'est tout ce qu'il a d'inquiétant. D'ailleurs, il serait maladroit de lui demander de sortir. Et même s'il avait un poignard, vous avez votre cote et quatre de vos barons. Je vais contrôler l'évacuation de la nef. Mais quête ! Il est enfant de cœur. Il est grand comme ça. Mais c'est peut-être un nain. Avec ces Français, on ne sait jamais. Alors, Beckett, nous avons parlé un peu légèrement ce matin. Tu es sûr que ce n'est pas Dieu qui se venge? Sûrement pas. C'est tout simplement, je le crains, un police qui fait du zèle. Les policiers ont toujours tendance à voir des assassins partout pour se faire valoir. Eh bah, nous entendrons ce tédéum dans une église déserte. Voilà tout. Moi qui croyais tout à l'heure que ces gens-là m'adoraient. Mais tu ne leur as peut-être pas fait distribuer assez d'argent. On n'achète que ceux qui sont à vendre, mon prince. Et ceux-là, précisément, ne sont pas dangereux. Pour les autres, c'est loup contre loup. Je reviens tout de suite pour rassurer. Baron, monseigneur. Surveillez cet homme, tous les quatre. Et au moindre geste, sautez-lui dessus. Messager de Londres, seigneur. Il vient du camp, l'a envoyé ici. Le message est urgent. C'est louche. Va voir Renaud. C'est Galévane. Oh ! C'est Guillaume de Corbeil, monseigneur. Il a des lettres urgentes. Tu es bien sûr que c'est lui ? Oh ! C'est pas un Français qui serait fait sa tête ? Le coup est classique. Je le connais, mon prince. J'ai vidé plus de pintes avec lui qu'il n'a de poils sur la gueule. Et il en a, le cochon. Oh. Merci. Relève-toi. Tu as une belle barbe, Guillaume de Corbeil. Elle tient bien? Ma barbe? Ah, je te serai hérisson. De bonnes nouvelles, messieurs. Nous avons un ennemi de moins. Tout s'arrange, mon prince. Les troupes sont en route. Nous n'avons plus qu'à attendre ici tranquillement. Tout s'arrange, en effet, Beckett. Dieu ne nous en veut pas. Il vient de rappeler à lui l'archevêque. Ce cher Guillaume, comment ce faible corps pouvait-il renfermer tant de force? Hélas, ne gaspille pas ta tristesse, mon fils. Je considère personnellement ça comme une excellente nouvelle. C'est le premier Normand qui se soit intéressé à moi. Il a véritablement été comme un père pour moi, Dieu et son âme. Mais rassure-toi, après tout ce qu'il a fait pour lui, il est au ciel. Il sera infiniment plus utile à Dieu qu'à nous. Tout est donc pour le mieux. Beckett. Mon petit Beckett. Je crois que nous tenons la balle. C'est maintenant qu'il s'agit de marquer le point. Oh, il est en train de me venir une idée extraordinaire, Beckett. Un coup de maître à jouer. Ah, je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Je me sens tout d'un coup extrêmement intelligent. C'est peut-être d'avoir fait l'amour à une Française cette nuit. Je suis subtil, Beckett. Je suis profond. Si profond que j'en ai une sorte de vertige. Tu es sûr que c'est pas dangereux de penser trop fort? Thomas, mon petit Thomas, tu m'écoutes? Oui, mon prince. Tu m'écoutes bien? Écoute, Thomas. Tu m'as dit un jour que les idées les meilleures, c'était les plus bêtes. Mais qu'il suffisait d'y penser. Écoute, Thomas. La coutume m'empêche de toucher au privilège de la primatie. Tu me suis bien? Oui, mon prince. Mais si le primat est mon homme, si l'archevêque de Canterbury est pour le roi, en quoi peut me gêner son pouvoir? C'est ingénieux, mon prince, mais vous oubliez que l'élection est libre. Non! C'est toi qui oublies la main royale. Tu sais ce que c'est? Quand le candidat déplaît au trône, le roi envoie son justicier à l'Assemblée des évêques. Et c'est le roi qui a le dernier mot. Ça aussi, c'est une coutume. Mais pour une fois, elle m'est favorable. Mais il y a 100 ans que l'Assemblée des évêques n'a pas élu contre le vœu du roi. Sans doute, monseigneur, mais nous les connaissons, tous vos évêques. Duquel serez-vous assez sûr? La mitre de primat coiffée a un vertige légal. Le demande, Beckett? De quelqu'un qui ne craint pas le vertige. De quelqu'un qui n'a même pas peur du ciel. Ah, Thomas, mon fils, j'ai besoin de toi encore! Et cette fois, c'est sérieux. Ah, je regrette de te priver des filles de France et des batailles, mon fils. Mais le plaisir sera pour plus tard. Tu vas passer en Angleterre. Je suis à vos ordres, mon prince. Tu devines quelle y sera ta mission? Non, mon prince. Tu y porteras des lettres personnelles de moi à chaque évêque en particulier. Et tu sais ce que contiendront ces lettres. Mon Thomas. Mon petit frère. Ma volonté royale de te voir élire primat. C'est une plaisanterie, mon prince. Voyez un peu l'homme édifiant, le saint homme que vous voudriez charger de ses saintes fonctions. Oh, mon prince! Ah, la bonne farce! Ah, quel bel archevêque j'aurais fait! Regardez mes dernières chaussures! C'est la nouvelle mode de Paris! N'est-ce pas gracieux, ce petit retroussi? N'est-ce pas plein d'onction et de componction? Fous-moi la paix avec tes chaussures, Thomas! Je suis sérieux en ce moment. J'écrirai les lettres avant midi. Tu m'aideras. Mais je ne suis même pas prêt. Tu es diacre. Tu as les délais. Tu peux prononcer tes derniers vœux demain et être ordonné dans un mois. Avez-vous songé à ce que dira le pape? Je paierai. Mon prince, je vois maintenant que vous ne plaisantez pas. Ne faites pas cela. Pourquoi? Cela me fait peur. C'est un ordre, Beckett. Si je deviens archevêque, je ne pourrai plus être votre ami. L'église est vide, monseigneur. L'évêque et son clergé attendent le bon plaisir de votre Altesse. Tu entends, Beckett? Et reviens à toi. Tu as une façon d'apprendre les bonnes nouvelles. Mais où es-tu? On te dit que nous pouvons y aller. C'est une folie, monseigneur. Ne faites pas cela. Je ne saurais servir Dieu et vous. Tu ne m'as jamais déçu, Thomas. Il n'y a qu'en toi que j'ai confiance. Je le veux. Tu partiras ce soir. Allons maintenant. Au logis de Beckett, deux valets emplissent les coffres. La veste bordée de martre aussi? Tout, on t'a dit. De la martre à des pauvres. Ils ne pourront plus se faire un sou quand ils auront ça sur le dos. Ils vont crever de faim. Ils boufferont la martre, imbécile. Ils ne comprendront pas qu'on va tout vendre et qu'on leur donnera l'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il se mettra? Il ne lui reste plus rien. Les coffres sont pleins. Je veux qu'il soit parti avant ce soir chez le juif. Qu'il ne reste que des murs ici. Gall, la couverture de fourrure. Mais monseigneur aura froid la nuit. Fais ce que je te dis. L'intendant est prévenu pour le repas de ce soir, 40 couverts dans la grande salle. Monseigneur, il dit qu'il n'y aura pas assez de vaisselle d'or. Devra-t-on mélanger avec la vaisselle d'argent? Qu'il fasse dresser le couvert avec des écuelles de bois et de terre de l'office, la vaisselle est vendue, le juif la fera pendre dès ce soir. Des écuelles de bois et de terre. Bien, monseigneur. L'intendant s'inquiète aussi pour la liste des invitations. Il n'a que 3 courriers et il a peur de ne pas... Il n'y a pas d'invitation. On ouvrira la grande porte à 2 battants et vous irez dire aux pauvres dans la rue qu'ils mangent avec moi ce soir. Bien, monseigneur. Je veux que le service soit impeccable. Les plats présentés d'abord avec tout le cérémonial, comme pour des princes. Allez. Tout cela était vraiment très joli. Une pointe d'orgueil. Quelque chose d'un parvenu. Un vrai saint homme n'aurait pas fait cela en un jour. Personne ne croira que c'est vrai. J'espère, Seigneur, que vous ne m'inspirez pas ces saintes résolutions dans le but de me rendre ridicule. Tout est tellement nouveau. J'exécute peut-être maladroitement. Il décroche un crucifix. Vous êtes beaucoup trop riche, vous aussi. Des pierres précieuses autour de votre corps saignant. Je vous donnerai une pauvre église. C'est un départ en voyage. Pardonnez-moi, Seigneur, mais je ne me suis jamais autant amusé. Je ne crois pas que vous soyez un dieu triste. Ma joie de me dépouiller doit faire partie de vos desseins. Voilà. Adieu, Beckett. J'aurais voulu au moins regretter quelque chose pour vous l'offrir. Seigneur, vous êtes sûr que vous ne me tentez pas? Cela me paraît trop simple. Une salle du palais royal, Henri II, la reine-mère, la jeune reine, les 2 fils du roi qui jouent par terre. Il a invité 40 pauvres à dîner. C'est un extravagant. Je vous ai toujours dit, mon fils, que vous aviez mal placé votre confiance. Madame, je suis très dur à placer, comme vous dites, ma confiance. Je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Et je demeure persuadé que je ne me suis pas trompé. Seulement, nous ne comprenons pas tout. Thomas est 1000 fois plus intelligent que nous tous réunis. Vous parlez de personnes royales, mon fils. Ben, ça n'empêche rien. L'intelligence a été distribuée tout autrement. Il paraît qu'il a vendu sa vaisselle d'or, ses coffres et tous ses riches habits à un juif. Il s'est vêtu d'une simple robe de bure. Je vois là, pour le moins, une marque d'ostentation. On devient, certes, un saint homme, mais pas en un jour. Je n'ai jamais aimé cet homme. Et vous avez été un fou de le faire si puissant. C'est mon ami! Hélas. C'est l'ami de vos débauches. C'est lui qui vous a éloigné de vos devoirs envers moi. C'est lui qui vous a conduit le premier chez des filles. Fichez, madame! Je n'ai eu besoin de personne pour m'éloigner, comme vous dites, de mes devoirs envers vous. Je vous ai fait 3 enfants. avec beaucoup de scrupules. Ouf ! Hé ! Bon de voir Mermi. Quand ce débauché cessera d'avoir une néfaste influence sur vous, vous reviendrez apprécier les joies de votre famille. Ah, les joies de ma famille sont limitées, madame. Pour être franc, je m'ennuie avec vous. Vos éternelles médisances à toutes deux, au-dessus de vos éternelles tapisseries, c'est pas une nourriture pour un homme. Si au moins cela avait quelque valeur artistique. Mon aïeule, Mathilde, en attendant son époux pendant qu'il taillait son royaume, a brodé, elle, un chef-d'œuvre. Qui est malheureusement resté à Bayeux. Mais vous, c'est d'un médiocre. À chacun selon ses dons. Ah oui, et ils sont minces. Je m'ennuie. Depuis un mois, personne à qui parler. Après la nomination, je ne veux pas avoir l'air de me précipiter. Bon, je lui laisse faire sa tournée pastorale. Il revient, enfin, je l'appelle, il est en retard. Charmant bambin. Graine d'homme. Déjà sournoise et obtuse. Dire qu'il faut s'attendrir là-dessus sous prétexte que ce n'est pas encore tout à fait assez gros pour être haï ou méprisé. Lequel de vous deux est l'aîné ? Moi, monsieur. Quel est votre nom, déjà ? Henri III. Pas encore, monsieur ! Le numéro 2 se porte bien ! Ah ! Une jolie éducation, madame ! Vous vous croyez déjà régente ? Vous étonnez après ça que je boude votre appartement. Je n'aime pas faire l'amour avec ma veuve. C'est mon droit. Un messager de l'archevêque Primat, monseigneur. Un messager ? Un messager, mais j'ai convoqué l'archevêque Primat en personne. Ah, il peut être malade. Cela expliquerait tout. Ce sera trop beau. Vous voudriez le voir crever parce qu'il m'aime, femelle. S'il n'est pas là, c'est qu'il est au plus mal. Fais entrer vite. Oh, mon Thomas. Qui es-tu? Dès que t'es malade? Monseigneur, je suis Guillaume, fils d'Étienne, secrétaire de sa seigneurie, l'archevêque Primat. Ton maître est très mal? Non, monseigneur, sa seigneurie se porte bien. Elle m'a chargé, avec expression de son profond respect, de remettre cette missive. Et ceci à votre Altesse. Pourquoi me renvoie-t-il le sceau ? C'est bien. Ta mission est accomplie, va. Ai-je une réponse de votre Altesse à transmettre à Monseigneur l'archevêque Primat ? Non. Eh bien... Mon fils, que vous écrivons, votre ami. Sortez ! Sortez ! Toutes les deux ! Et emmenez votre vermine royale ! Je suis seul ! Ah, mon Thomas. Tu me renvoies les trois lions du royaume comme un petit garçon qui ne veut plus jouer avec moi. Tu crois que tu as l'honneur de Dieu à défendre maintenant ? Moi, j'aurais fait une guerre avec toute l'Angleterre derrière moi. Et contre l'intérêt de l'Angleterre pour te défendre. Petit Saxon. Moi, j'aurais donné l'honneur du royaume en riant pour toi. Seulement moi, je t'aimais. Et toi, tu ne m'aimais pas. Voilà toute la différence. Merci tout de même pour ce dernier cadeau que tu me fais en m'abandonnant. Je vais apprendre à être seul. Une église. Le roi, drapé dans un manteau sombre, entre Gilbert Folliot, évêque de Londres. Évêque, veux-tu l'homme ? Le roi ? Oui. Seul. Sans escorte, en habit d'écuyer. Le roi, tout de même. Évêque, je dois me confesser. Je suis l'évêque de Londres, le roi a son confesseur. C'est une charge importante de la cour qui a ses prérogatives. Le choix du prêtre pour la sainte confession est libre, évêque. Même pour les rois. Ma confession sera d'ailleurs courte. Ce n'est pas l'absolution que je viens vous demander. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus grave qu'un péché, évêque. Une bêtise. J'ai imposé Thomas Becket à votre choix au concile de Clarendon. Je m'en repens. Nous sommes inclinés devant la main royale. À contre-cœur, je le sais. Il m'a fallu 13 semaines d'autorité et de patience pour réduire la petite opposition irréductible dont vous étiez le chef, évêque. Le jour du concile, vous étiez vert. On m'a dit qu'après, vous avez été gravement malade. Dieu m'a guéri. Il est bien bon. Mais il a un peu tendance à ne s'occuper que des siens. Moi, il m'a laissé malade. Et je dois me soigner tout seul, sans intervention divine. J'ai l'archevêque primat sur l'estomac. Un gros morceau qu'il faut que je vomisse. Que pense de lui, le clergé normand ? Sa seigneurie semble avoir saisi d'une main ferme les rênes de l'Église d'Angleterre. Ceux qui l'approchent dans son particulier disent même qu'il se conduit comme un saint homme. C'est un peu subi. Mais rien ne m'étonne de lui. Dieu sait ce dont cet animal-là est capable en bien comme en mal. Évêque, parlons franc. Cela intéresse beaucoup l'Église, les saints hommes. L'Église est sage depuis si longtemps, Altesse, qu'elle ne peut pas ne pas avoir constaté que la tentation de la sainteté était pour ses prêtres l'un des pièges les plus subtils et les plus redoutables du démon. L'administration du royaume des âmes, avec les incidences temporelles qu'elle comporte, demande avant tout, comme toutes les administrations, des administrateurs. L'Église catholique romaine a ses saints, elle invoque leur bienveillante intercession, elle les prie. Mais elle n'a plus besoin d'en faire d'autres, c'est superflu et dangereux. Mais vous me paraissez un homme avec qui on peut parler, évêque. Je vous ai méconnu. L'amitié m'aveuglait. L'amitié est une belle chose. C'est une bête familière, vivante et tendre. Elle semble n'avoir que deux yeux toujours posés sur vous et qui vous réchauffent. On ne voit pas ses dents. Et c'est une bête qui a une particularité curieuse. C'est quand elle est morte qu'elle mord. L'amitié du roi pour Thomas Becket est morte, Altesse. Soudainement, évêque ! Une sorte d'arrêt du cœur ! C'est un phénomène curieux, Altesse, mais fréquent. Je l'ai, Becket, évêque, maintenant ! Entre cet homme et moi, il n'y a plus rien de commun que cette bête qui me laboure le ventre. Je n'en puis plus. Il faut que je la lâche sur lui. Mais je suis le roi. Ce qu'il est convenu d'appeler ma grandeur m'embarrasse. J'ai besoin de quelqu'un. Je ne veux servir que l'Église. Parlons comme de grands garçons. C'est bras dessus, bras dessous que nous avons conquis, pillé, rançonné l'Angleterre. On se dispute, on essaie de se soutirer quelques sous, mais entre le ciel et la terre, il y a tout de même des intérêts communs. Vous savez ce que je viens d'obtenir du pape ? Sa bénédiction pour aller égorger l'Irlande catholique au nom de la foi. Oui, une sorte de croisade. pour y imposer un clergé et des barons normands. Épée et étendard, solennellement bénis, comme si on allait bouffer du turc. Seule condition, une petite pièce d'argent, par foyer et par an, pour le denier de Saint-Pierre, que le clergé national irlandais hésitait à cracher et que moi j'ai promis de faire verser. C'est donné. Mais au bout de l'an, cela sera une coquette somme. Rome sait faire ses comptes! Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire, Altesse. Il faut même essayer de ne pas les savoir tant qu'on n'en est pas directement chargé. Nous sommes seuls, évêque, et l'église est vide! L'église n'est jamais vide! Une petite lampe rouge brûle devant le maître-autel! Évêque! J'aime bien jouer, mais avec des garçons de mon âge. Ne me prenez pas pour une de vos brebis. Saint pasteur. Celui qu'honore ces petites lampes rouges a lu depuis longtemps au fond de vous et de moi. Sur votre cupidité et sur ma haine, il est fixé. Ou alors il faut se faire moine, évêque. Le cilice sur le dos nu. Et aller se cacher dans un couvent pour prier les déchets de Londres pour un fils de marinier de la Tamise qui aurait le cœur pur. C'est trop, ou trop peu. Si je fais abstraction, comme c'est mon devoir, de mes sentiments personnels, je dois convenir que jusqu'ici, Sa Seigneurie l'archevêque Primat n'a rien fait qui ne soit dans l'intérêt de sa mère l'Église. Vous, mon petit ami, je vous vois venir. Vous avez l'intention de me coûter très cher. Mais grâce à Beckett, qui a réussi à vous faire payer la taxe d'absence, je suis riche. Et il me paraît somme toute moral qu'une partie de l'or de l'Église par votre canal retourne à l'Église. Et puis, si nous voulons rester sur le terrain de la moralité, saint évêque, vous pouvez vous dire aussi que la grandeur de l'Église et celle de l'État étant intimement liées, c'est en définitive à la consolidation de la foi catholique que vous travaillerez en me servant. J'avais toujours pris votre Altesse pour un gros garçon brutal, mal sorti de l'adolescence et seulement soucieux de son plaisir. On se trompe quelquefois sur les hommes, évêque. Moi aussi, je me suis trompé. Ah, mon Thomas! Vous l'aimez, Altesse! Vous l'aimez encore! Vous aimez ce porc mitré, cet imposteur, ce bâtard saxon, ce petit voyou! Oui, je l'aime! Mais ça ne te regarde pas, curé! Je ne t'ai confié que ma haine! Je vais te payer pour m'en défaire, mais ne me dis jamais du mal de lui! Ou ce sera une affaire d'homme entre nous! Vous m'êtes trompé, Altesse! Nous nous reverrons demain, Seigneur évêque. Et nous arrêterons ensemble le détail de notre action. Vous serez convoqué officiellement au palais sous un prétexte. Mais bien fait dans votre diocèse de Londres, où je suis votre principal paroissien. Mais ce n'est pas des pauvres que nous parlerons. Ils ont le temps, les pauvres. Le royaume qu'ils espèrent, eux, est éternel.